que je propose, c'est que l'on passe maintenant peut-être la parole tout de suite à Anne-Marie Martin et Catherine Souchier, peut-être en binôme, pour évoquer cette fois l'expérience d'ADP, donc l'Association Diffusion Populaire, et je reprendrai un peu le même type de question. Qu'est-ce qui finalement vous conduit à vous retrouver à l'IP, avec, par quel biais, avec quel perspective, sur quelle période, et on regardera très vite un extrait pour se mettre aussi dans l'ambiance des vidéos tournées. Je te laisse la parole, Anne-Marie. Bon, alors nous, ce qu'on faisait quand même en vidéo, c'était pas très sauvage, ou moins qu'on puisse dire, c'était quand même assez contrôlé. Justement, on avait beaucoup de contacts avec aussi les Roussopoulos, puisque c'est eux qui nous ont introduits dans cette technologie, qui ont été un peu nos premiers formateurs, et avec qui on avait fait en 1975 la bande vidéo sur les prostituées de Lyon parle. Voilà. Dont on a vu un extrait il y a quelques semaines. On avait fait un accord de matériel et tout ça, un échange, quoi, on va dire. Donc tout ça, c'est pour situer, c'est vraiment vers, parce que c'est important un petit peu de voir l'enchaînement un petit peu au niveau chronologique. Enfin, moi, j'ai tenté de faire, par rapport à moi, ce que j'ai vécu, comment j'étais engagée, par rapport à l'IP, de voir un peu les différentes périodes pour un peu qu'on s'y retrouve, parce que c'est vrai que c'était un peu confus, quoi, on peut se dire. Donc, en 1975, quand même, il y a une collaboration à Lyon même, donc par rapport à ces prostituées qui sont retranchées, qui occupent une église Saint-Nizier en centre-ville, et dont le moniteur vidéo qu'on leur avait prêté, donc ça c'est très historique, parlait aux passants en fait. Hein, donc il y avait les femmes étaient enfermées, personne ne rentrait, les gens n'avaient accès à elles que par cette lucarne, on va dire, noir et blanc, hein, qui était disposée à l'extérieur de l'église, sur une petite derrière un vitrail, devant un vitrail. Donc nous on est un peu nés aussi de cette histoire des cahiers de mai. La pratique, on avait déjà une bonne pratique, on était déjà bien habitué à utiliser l'image, déjà pour la diffuser. Donc il y avait eu déjà des diaporamas audiovisuels sur le conflit des lignards, l'imprimerie d'Arbois, etc. Donc on avait quand même une habitude, on va dire, d'utiliser l'image dans ce contexte, comme il dit, de documents insérés, quoi. Pour populariser une lutte, un mouvement social, etc. Très engagé également à peine à Roya, puisqu'on était, c'était tout près de chez nous, quoi, à Gerland, que s'est déroulé ce conflit. Et là, effectivement, avec diffusion des films qui ont été faits, etc., quelque chose quand même de très important sur la région lyonnaise, avec quand même un résultat important par rapport à la santé, donc une lutte d'immigrés essentiellement. Et puis, tout naturellement, je dirais, on a pris le train avec le reste, quoi, quand l'IP s'est présenté avec le conflit. Donc dès le début, oui, parce qu'on était quand même déjà une bonne armée, des bons petits combattants prêts à agir, bien structurés, bien organisés. Donc, avec l'affichage de guide punité, je pense que déjà à côté on fait. On n'avait pas Internet, donc on affichait l'impunité sur les murs, on distribuait des tracts sur les marchés et on faisait des séances de diffusion de films. Et comme le disait Dominique, ce qui était intéressant par rapport au film, c'est que n'importe qui, je veux dire, qui était présent dans la lutte et actif, pouvait l'accompagner, puisqu'il n'était pas censé tout connaître. Donc le film était vraiment un apport d'informations et puis donnait vraiment le goût de ce qui se passait. Enfin, moi, j'étais très marquée par tous les films quand même qu'on a diffusés à droite, à gauche et partout, parce qu'il y avait vraiment cette relation forte à l'image et aux gens en direct, quoi, que la télévision n'apportait pas, ni l'Internet. Hein. Je veux dire, c'était quand même un contact vraiment sensoriel, très très très puissant quand même, d'entendre les voix, de voir les visages. Enfin moi personnellement, j'étais pas trop souvent à l'IP, on était plutôt donc dans la région à travailler dans les commissions LIP et de, à en créer, à les organiser. Vraiment, c'était une organisation de choc, hein, je veux dire, assez exemplaire au niveau de l'efficacité. Donc ça, c'était une première période, effectivement, jusqu'aux accords de Dole. Et après les accords de Dole, c'est là que, en fait, pour moi, personnellement, est arrivé quelque chose d'important, je veux dire, dans ma vie aussi et dans mon rapport à la société, et au cahier de Méhan aussi, au groupe, c'est qu'on était en relation avec les femmes de l'IP aussi. Donc, il y a eu les portes ouvertes où on a participé, bien sûr, le grand rassemblement. Et puis, cette brochure LIP au féminin, qui, moi, était vraiment le détenteur, voilà, cette brochure. J'arrive pas à mettre la main dessus, d'ailleurs, je l'ai perdue. Donc, paru en février 1975. Hein. Voilà, février 1975, voilà. Et ça, c'est réédité dès 1977, voilà, chez Syros. Voilà, donc, nous, on a participé à l'élaboration de cette, avec les femmes de l'IP qui ont eu cette initiative, depuis 1974, on a participé plus activement, on va dire, à ce travail. Donc les accords de Dole étaient signés depuis plus d'un mois, les cours de formation s'organisaient et le calendrier de réembauche se précisait. Et le travail est parti d'un petit groupe de 10 femmes qui se réunissaient une fois par semaine. C'est un travail qui enrichit tout le groupe, etc. Donc c'est un travail de femmes réalisé par des femmes. Et il y a eu un énorme travail collectif, voilà, c'est ce que disaient les femmes de l'IP. Et elles étaient. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que, en fait, ce travail a été initié parce que, en fait, elles trouvaient que les problèmes des femmes et des OS en particulier n'étaient pas pris en compte avec les nouveaux accords de Dole. Hein. Donc, et que cette parole-là n'arrivait pas à exister dans la section CFDT. Voilà. Alors, moi, je vous cite des extraits que j'avais notés. Hein. Elles avaient l'impression d'un manque de parole. On les écoutait, on disait « oui, oui, tu as raison ». Et voilà, après, on passait à autre chose. Donc, en fait, dans cette brochure, elle s'interroge sur la responsabilité des hommes et des femmes dans le conflit. Est-ce qu'elle est égale ? Pourquoi les leaders sont-ils tous des hommes ? Et pourquoi les problèmes spécifiques des femmes chez l'IP et ailleurs ne sont pas pris en compte ? Donc, bien sûr, sous qualification, sous formation, peu de promotion, mauvaises conditions de travail, etc., ce qu'on connaît. Et voilà, donc cette brochure a été tirée fin décembre 1974 à une trentaine d'exemplaires pour que le collectif LIP, section syndicale CFDT Énergie, puisse en discuter. Et voilà, donc il y a eu une discussion qui s'est créée, etc., etc. Il y a eu des élections, je crois, en janvier 1975, hein, etc. Et après, le 13 mars 1975, il y a eu une plateforme de revendication qui a été déposée devant la direction à la suite de ce travail-là, quoi. Donc, cette brochure a été très diffusée. Je pense que c'est ça. À Paris, il y a eu une semaine d'information organisée par Liaison Directe, qui était l'émanation des cahiers de mai, qui avait changé de nom. Il y avait 200 femmes qui sont venues, qui ont participé, avec une délégation de travailleuses de l'IP. Voilà, il y avait des femmes de Dumlac, de Gennevilliers, des chèques postaux, de la CFDT, syndiqués, non syndiqués, etc. Et la question, il y avait deux points qui avaient été discutés, c'est quelles difficultés un groupe de femmes dans une entreprise doit résoudre pour participer entièrement à la lutte, et à quelles conditions et comment, dans l'entreprise, ce groupe de femmes renforce la lutte et l'unité. Donc voilà, et à Lyon, on a fait, donc pour en arriver au travail avec l'image vidéo, on a fait aussi donc, une réunion sur le même modèle en juin. Et cette réunion, on l'a filmée, donc ça fait l'objet d'une bobine qui s'appelle La lutte des femmes à l'IP ailleurs. Donc il y avait une centaine de femmes qu'on avait invitées de la région lyonnaise. Donc ça, c'était la première bobine qu'on a faite pratiquement de façon, on va dire, un peu autonome. Voilà, c'est celle-là. Toi, t'as bien marre, regarde. Elle l'a pas vue, c'est pour ça qu'elle a... On a bien choisi le photographe. L'émotion, elle l'a, tu vas voir. Voilà. Donc ça, c'est le groupe de femmes. Tu diffuses ou pas? Bon, après, continue. Ah bah, on peut peut-être. Ouais, ils vont savoir. On montre un extrait, ce serait une bonne chose. Allez, on montre un extrait. Donc, alors là, Alain, c'est l'extrait que tu as choisi. Non, c'est bien de la lutte des femmes? Non, là, on est sur Libre Formation. Ah, y a pas... ah, oui, non, tu changes. Formation. Tu changes. Là, maintenant, ouais, tu fais d'abord Libre. Après, je reviendrai sur la Libre Formation. Tu mets l'extrait d'Anne-Marie. Ouais, après, je reviendrai sur. Ah, dans le DVD? Oui, dans le DVD. Non, le tien, celui que tu as sélectionné. C'est le mien ou celui d'Anne-Marie? C'est toi qui as sélectionné celui d'Anne-Marie, Alain. Oui, ah oui, voilà, d'accord. Donc c'est lui, bah, c'est ce que je dis là, c'est ça. En fait, c'est piège, c'est pas tellement. Non, c'est. Ah, le, mais c'est, alors, c'est, alors, c'est, alors montre celui. Non, non, alors le DVD. Montre celui du DVD que j'avais préparé. Excusez-nous. C'est un peu chaotique aujourd'hui. Tu es obligé de fermer et de rouvrir.